Péléas et Mélisande de Gabriel Fauré. On a pu y entendre Lauren Hunt pour la chanson de Mélisande, l'Orchestre Symphonique de Boston, et sous la direction de Seiji Ozawa. Nous arrivons au terme de ce rendez-vous des musiciens, et pour nous quitter, je vous propose une des œuvres très connues de Camille Saint-Saëns. Gabriel Fauré et Camille Saint-Saëns avaient un gros point commun, ils étaient tous les deux organistes. Gabriel Fauré n'a malheureusement rien laissé pour l'orgue, par contre Camille Saint-Saëns a lui abondamment écrit. Il mêle même l'orgue à l'orchestre pour sa troisième symphonie et c'est le final qui va nous accompagner jusqu'à la fin de ce rendez-vous des musiciens. Pierre Cochereau au Grand Orgue Notre-Dame de Paris est accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la baguette de Herbert van Karajan. C'était Johan Tardivel et je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de Musique 3. Bonjour, excellente journée à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous des musiciens que nous allons passer auprès de Mozart. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le mythe de la réalité. Nous poursuivrons cette émission la semaine prochaine, mercredi prochain. Mais aujourd'hui, c'est la première partie. Voici Mozart entre mythe et réalité. C'était le final de la 35e symphonie en ré majeur, la symphonie Hafner de Mozart par le Prague Philharmonia qui était dirigé par Jiří Belohlávek. Mozart, un génie ? Très certainement. En tous les cas, certains événements sont pour le moins interpellants. Mozart a très tôt montré des capacités et des facilités exceptionnelles dans l'apprentissage de la musique. Alors oui, effectivement, mais...